Chapitre 17e, Malika. Soudain, le boulanger remarque sur le seuil de la boulangerie une présence. Karim se tourne et voit celle que les autres nomment avec mépris Al-Maboula, la folle. Elle se tient immobile, le regard fixé sur les divers types de pain présentés sur la vitrine de la boulangerie. Comme toujours, la jeune fille porte dans les bras son bouquet de marguerites recueillies dans les champs. Akli prend deux grosses baguettes de pain, sort de comptoir et va jusqu'à la nouvelle venue. Il lui offre avec amabilité le pain. L'inconnu le regarde sans réagir. « S'il te plaît, » l'invite Akli, « prends-les. » L'autre continue à l'observer sans bouger. Avec délicatesse, Akli met les deux baguettes sur les bras de la jeune fille, à côté du bouquet de fleurs. Elles sont alors acceptées. En échange, la bénéficiaire offre tout son bouquet de fleurs au boulanger. Il l'accepte avec plaisir. « Merci, » dit-il, « merci. » La jeune fille recule lentement, tourne le dos et s'éloigne avec sa typique démarche de fantôme. Une fois revenu derrière le comptoir de la boulangerie, où Karim a suivi toute la scène, ce dernier s'adresse à Akli. « Tu la connais ?»« On dit, » explique le boulanger, « qu'elle est originaire du Sahara, à cause de sa peau sombre, de son corps élancé et de ses cheveux crépus, et surtout parce qu'elle prononce parfois un seul mot, Sahara. » On ignore si par ce terme elle entame le Sahara ou simplement le désert d'une manière générale. Comme tu le sais, un terme identique désigne les deux choses. En outre, j'ai remarqué une chose bizarre. En prononçant Sahara, le ton de sa voix est triste, tandis qu'elle promène ses yeux de droite à gauche, largement, en cherchant quelque chose ou quelqu'un sans le trouver. « Sais-tu, reprend Karim, pourquoi et comment elle a fini ici ?»« C'est un mystère total, » répond Akli. « Et le miracle est qu'elle est dans ce quartier depuis environ une année, sans avoir été agressée et sans tomber malade, car j'imagine qu'elle ne dispose pas d'un logis convenable. » « Est-ce la première fois qu'elle est venue ici, à la boulangerie ?» veut encore savoir Karim. « Oh non !» répond Akli avec satisfaction. Assez régulièrement, environ une fois par semaine, sinon toutes les deux semaines, elle apparaît sur le seuil, comme aujourd'hui, et elle reste immobile, à regarder les pains. Jamais elle n'en a demandé. C'est toujours moi qui lui offre, chaque fois, deux grosses baguettes, car elles me semblent suffisantes pour tenir une semaine. Après, le pain se détériore. Il précise en souriant. Et puis j'aime bien la voir retourner ici. Chaque fois, elle accepte le pain comme s'il s'agit d'un geste tout à fait normal. En retour, elle me donne son bouquet de fleurs. Je le mets sur le comptoir comme décoration et, tu peux rire, comme bénédiction. Oui, comme bénédiction. J'en suis arrivé à attendre la visite de celle que, dorénavant, j'appelais Malika. Malika, pourquoi ? Eh bien, explique Akli, tu sais que Malik, en algérien, signifie ange. Et comme je considère cette fille une sorte d'ange, je l'appelais Malika. Elle est venue je ne sais d'où. Toutefois, sa mission est claire envers moi, m'offrir des fleurs. Il m'arrive même de la voir en rêve. Toujours de la même manière. Elle apparaît sur le seuil de la boulangerie et elle attend, les yeux fixés sur les pains. Dans mon rêve, étrangement, c'est elle qui me donne du pain. Elle m'a rempli la boulangerie et c'est moi qui lui offre un bouquet de marguerites. « Tu n'as jamais, » interroge encore Karim, « pensé à savoir plus d'elle en lui posant des questions ?» « Jamais osé, » répliqua Akli. « Quelque chose me retient. J'ai peur de l'effrayer par mon indiscrétion. L'expression de son visage, si calme ou apparemment calme, et son regard si doux semblent me dire « Je te prie de ne pas poser de questions. J'y consens, en cachant ma peine pour ne pas la préoccuper. Un jour, mon frère cadet m'a lancé en riant « Par ta générosité en offrant du pain, tu espères recevoir les bénéfices dans l'au-delà » À cette question, j'ai ri. Moi aussi ai répondu « Mon bénéfice, je l'ai déjà, la voir sur le seuil du magasin, lui donner du pain et recevoir son bouquet de fleurs. » « Tu en as parlé à ta fiancée ?» demande Karim. « Oh oui, bien sûr. » Elle fut heureuse de connaître l'existence de Malika. Elle trouve ce nom parfait, mais elle s'inquiète pour la sécurité de cette malheureuse. Il ajoute. « Mais est-elle vraiment malheureuse ?» À voir l'expression sereine de son visage et son doux regard, il ne semble pas. Elle me donne l'impression de n'être pas de notre monde, mais d'un autre. « Infiniment meilleur. » En quittant la boulangerie, Karim continue à penser à cette Malika. « Pourquoi, s'interroge-t-il, est-elle dans ces conditions ? Et que signifie dans sa bouche le terme Sahara ? S'agit-il de la solitude actuelle de Malika ou de son lieu d'origine ? Et en prononçant ce mot, que cherche-t-elle à trouver ou à dire ? » En poursuivant sa marche, Karim se demande encore « N'y a-t-il pas un moyen de trouver de meilleures conditions de vie à Malika ?» Par exemple, en cherchant quelle est sa famille. Une idée vient à Karim. Au lieu de retourner chez lui, il prend une autre direction. Il arrive au commissariat du quartier. Un policier présent au bureau d'accueil, il raconte le cas de la jeune fille et sollicite. Est-ce que la police pourrait enquêter pour découvrir la famille de cette malheureuse ? L'agent le regarde d'un air plutôt désolé, puis rétorque. Merci pour ta démarche, je signalerai le cas. Néanmoins, en quittant le commissariat, Karim reste inquiet et triste. La police fera vraiment quelque chose ? En outre, il ne supporte pas du tout, la vue de la détresse humaine, surtout quand il est impossible d'y porter un secours efficace. Il est plus facile, se dit-il avec amertume, de soigner le corps que l'esprit, et je ne suis qu'un infirmier.